Troisième journée, chapitre 3. Dès la nuit tombée, Marie fut prise d'impatience à l'hôpital de Notre-Dame des Douleurs, car elle savait, par Madame de Jonquière, que le baron Suire avait obtenu pour elle, du père Fourcade, l'autorisation de passer la nuit devant la grotte. À chaque minute, elle questionnait sœur Hyacinthe. « Ma sœur, je vous en prie, est-ce qu'il n'est pas 9 heures ?»« Mais non, mon enfant, il est à peine 8 heures et demie. » Et tenez, voici un bon châle de laine pour vous envelopper, au lever du jour, car le gave est tout proche, les matinées sont fraîches dans ce pays de montagne. Oh, ma sœur, les nuits sont si belles, et puis je dors si peu dans cette salle, je ne peux pas être plus mal dehors. Mon Dieu, que je suis heureuse, quel enchantement, de passer toute la nuit avec la Sainte Vierge. La salle entière la jalousait. C'était la joie ineffable, la béatitude suprême, toute une nuit à prier ainsi devant la grotte. On disait que les élus voyaient sûrement la Sainte Vierge dans la grande paix des ténèbres, mais il fallait de hautes protections pour obtenir une telle faveur. Les pères n'aimaient plus guère à l'accorder depuis que des malades étaient mortes de la sorte, comme endormis dans leur extase. N'est-ce pas, mon enfant, reprit sœur Hyacinthe, demain matin vous communierez à la grotte avant qu'on vous ramène ici. 9 heures sonnèrent. Est-ce que Pierre, si exact, l'aurait oublié? On lui parlait maintenant de la procession au flambeau qu'elle verrait d'un bout à l'autre si elle partait tout de suite. Chaque soir, les cérémonies finissaient par une procession pareille, mais celle du dimanche était toujours la plus belle, et l'on annonçait que la procession de ce soir-là serait d'une splendeur extraordinaire, comme rarement on en voyait. Près de 30 000 pèlerins devaient défiler, un cierge à la main. Les merveilles nocturnes du ciel allaient s'ouvrir, les étoiles descendraient sur la terre. Et les malades se plaignaient. Quelle tristesse d'être cloués sur un lit, de ne rien voir de ces prodiges. « Ma chère fille, vint dire Madame de Jonquière, voici votre père et monsieur l'abbé. » Marie, radieuse, oublia son attente. « Oh Pierre, je vous en supplie, dépêchons-nous, dépêchons-nous. » Ils la descendirent. Le prêtre s'attela au petit chariot, qui roula doucement sous le ciel criblé d'étoiles, tandis que monsieur de Guersin marchait à côté. C'était une nuit sans lune, admirablement belle, un velours d'un bleu sombre, piqué de diamants. Et la douceur de l'air était exquise, un bain tiède d'air pur, embaumé par l'odeur des montagnes. Beaucoup de pèlerins se pressaient dans la rue, marchant tous vers la grotte. Mais la foule restait discrète, un flot humain recueilli, n'ayant plus la badauderie foraine de la journée. Et dès le plateau de la Merlasse, les ténèbres s'élargissaient. On entrait sous le ciel immense, dans le lac d'ombre des pelouses et des grands arbres, d'où l'on ne voyait se dresser à gauche que la flèche mince et pâle de la basilique. Pierre fut pris d'inquiétude devant la foule de plus en plus compacte à mesure qu'on avançait. Sur la place du Rosaire, déjà, l'on marchait avec peine. « Il ne faut pas songer à nous approcher de la grotte, » dit-il en s'arrêtant. « Le mieux serait de gagner une allée derrière l'abri des pèlerins et d'attendre là. » Mais Marie désirait vivement voir le départ de la procession. « Mon ami, de grâce, tâchez d'aller jusqu'au gave. Je verrai de loin, je ne demande pas à m'approcher. » Et monsieur de Guersin, aussi curieux qu'elle, insista à son tour. « Ne vous inquiétez pas, je suis là derrière, et je veille à ce que personne ne la bouscule. » Pierre dut se remettre à tirer le chariot. Il lui fallut un quart d'heure avant de passer sous une des arches de la rampe de droite, tellement la foule s'y écrasait. Ensuite, il obliqua un peu, finit par se trouver sur le quai, au bord du gave, où de simples spectateurs occupaient le trottoir, et il put s'avancer encore pendant une cinquantaine de mètres. Il arrêta le chariot contre le parapet même, bien en vue de la grotte. « Serez-vous bien, là ?»« Oh oui, merci. Seulement, il faut m'asseoir, j'en verrai davantage. » Monsieur de Guersin l'a mis sur son séant et lui-même monta sur le banc de pierre qui règne d'un bout à l'autre du quai. Une cohue de curieux s'y entassait, ainsi qu'au soir de feux d'artifice. Tous se grandissaient, allongeaient le cou. Et Pierre, comme les autres, s'intéressa, bien qu'on ne vît encore pas grand-chose. Il devait y avoir là 30 000 personnes, et du monde arrivait toujours. Tous portaient à la main un cierge, enveloppé dans une sorte de cornet de papier blanc, où était imprimé, en bleu, une image de Notre-Dame de Lourdes. Mais ces cierges n'étaient pas allumés encore. On apercevait par-dessus la mer houleuse des têtes que la grotte brasillante jetant une vive lueur de forge. Un grand bourdonnement montait, des souffles passaient, qui seuls donnaient la sensation des milliers d'êtres serrés, étouffés, perdus au fond de l'ombre, refluant comme une nappe vivante sans cesse élargie. Il y en avait sous les arbres, au-delà de la grotte, dans des enfoncements de ténèbres qu'on ne soupçonnait point. Enfin, cela commença par quelques cierges, çà et là, qui brillèrent. On aurait dit des étincelles brusques, trouant l'obscurité au hasard. Le nombre s'en accrut rapidement, des îlots d'étoiles se formèrent, tandis que sur d'autres points, des traînées, des voies lactées coulaient au milieu des constellations. C'étaient les 30 000 cierges qui s'allumaient un à un, de proche en proche, éteignant la vive lueur de la grotte, roulant d'un bout à l'autre de la promenade les petites flammes jaunes d'un brasier immense. « Oh, Pierre, que c'est beau !» murmura Marie. « On dirait la résurrection des humbles, des petites âmes pauvres qui se réveillent et qui brillent. « Superbe ! Superbe !» répétait M. de Guersin dans un élan de satisfaction artistique. « Regardez donc là-bas ces deux lignes qui se coupent et qui forment une croix. » Mais Pierre restait touché par ce que Marie venait de dire. C'était bien cela, des flammes grêles, à peine des points lumineux, d'une modestie de menu peuple, et dont le grand nombre faisait l'éclat, un resplendissement de soleil. Il en naissait continuellement de nouvelles, plus lointaines et comme égarées. « Ah » murmura-t-il, « celle-là qui est apparue toute seule, au loin, si vacillante. La voyez-vous, Marie ? Comme elle flotte et comme elle vient lentement se perdre dans le grand lac de feu. » On y voyait maintenant aussi clair qu'en plein jour. Les arbres, éclairés par en dessous, étaient d'une verdure intense, pareille aux arbres peints, tels qu'ils sont dans les décors. Des bannières, au-dessus du brasier mouvant, demeuraient immobiles, violemment distinctes, avec leurs seins brodés et leurs cordons de soie. Et le grand reflet montait le long du rocher, jusqu'à la basilique, dont la flèche, à présent, apparaissait toute blanche sur le ciel noir, tandis que, de l'autre côté du gave, les coteaux s'éclairaient eux aussi, montrant les façades claires des couvents au milieu des feuillages sombres. Il y eut encore un moment d'incertitude. Le lac flamboyant, dont chaque mèche ardente était un petit flot, roulait son pétillement d'astres, semblait près de se rompre pour s'écouler en fleuve. Et les bannières oscillèrent, un mouvement s'indiqua. « Tiens !» s'écria M. de Guersin. « Il ne passe donc pas par ici ?» Alors Pierre, au courant, expliqua que la procession montait d'abord par le chemin enlacé, établi à grands frais dans le coteau boisé. Puis, elle tournait derrière la basilique avant de redescendre par la rampe de droite et de se développer au travers des jardins. « Regardez, on voit les premiers cierges qui montent parmi les verdures. » ce fut un enchantement. De petites lumières tremblantes se détachaient du vaste foyer, s'élevaient doucement d'un vol délicat, sans qu'on pût rien distinguer qu'il éteint à la terre. Cela se mouvait comme de la poussière de soleil dans les ténèbres. Bientôt, il y en eut une raie oblique, puis la raie se replia d'un coup de brusque et une nouvelle raie s'indiqua qui tourna à son tour. Enfin, tout le coteau fut sillonné d'un zigzag de flammes, pareil à ces coups de foudre qu'on voit tomber du ciel noir dans les images. Mais la trace lumineuse ne s'effaçait pas. Toujours les petites lumières marchaient du même glissement doux et ralenti. Parfois seulement, il y avait une éclipse soudaine. La procession devait passer derrière un bouquet d'arbres. Plus loin, les cierges se rallumaient, recommençaient leur marche vers le ciel par les lacets compliqués, sans cesse interrompus et repris. Un moment arriva où ils cessèrent de monter, arrivés en haut du coteau, et ils disparurent au dernier coude du chemin. Des voix s'élevaient dans la foule. « Les voilà qui tournent derrière la basilique !»« Oh, ils en ont encore pour 20 minutes avant de redescendre de l'autre côté !»« Oui, madame, ils sont 30 000, et dans une heure, les derniers partiront à peine de la grotte !» Dès le départ, un cantique s'était dégagé du sourd grondement de la foule. C'était la complainte de Bernadette, les 6 dizaines de couplets, où la salutation angélique revenait au refrain, dans un rythme obsédant. Quand on avait fini ces 60 couplets, on les recommençait, et le bercement reprenait sans fin. Ave, ave, ave Maria. Stupéfiant l'esprit, brisant les membres, emportant peu à peu ces milliers d'êtres dans une sorte de songe éveillé, en pleine vision de paradis. La nuit, lorsqu'il dormait, le lit en gardait le balancement, il les chantait encore. « Est-ce que nous restons là ?» demanda M. de Guersin, qui se fatiguait vite. « Maintenant, c'est toujours la même chose. » Marie, que les voix écoutées dans la foule renseignaient, dit à son tour « Pierre, vous aviez raison, il vaudrait mieux retourner là-bas, sous les arbres. J'ai un si grand désir de tout voir. » « Mais certainement, répondit le prêtre, nous allons chercher une place d'où vous pourrez tout voir. Le difficile est de nous tirer d'ici à présent. » En effet, la cohue des simples curieux les avait murés. Il fallut que Pierre s'ouvrit un passage avec une obstination lente, en implorant un peu de place pour une malade. Et Marie se retournait, tâchait d'apercevoir encore devant la grotte la nappe de flammes, le lac aux petits flots étincelants, d'où coulait à l'infini la procession, sans qu'il parût s'épuiser. Tandis que M. de Guersin fermait la marche en protégeant le chariot contre les poussées de la foule. Enfin, ils se trouvèrent tous les 3 à l'écart, hors du monde. C'était près d'une des arches, dans un endroit désert, où ils purent respirer un instant. On n'entendait plus que la complainte lointaine, à l'entêté refrain, et l'on ne voyait que le reflet des cierges en une sorte de nuée lumineuse flottant du côté de la basilique. « La meilleure place, déclara M. de Guersin, ce serait de monter au calvaire. Une servante de l'hôtel me l'a dit encore ce matin. Il paraît que, de là-haut, la vue est féerique. » Mais il n'y fallait pas songer. Pierre insista sur les difficultés. « Comment voulez-vous nous hisser à cette hauteur avec le chariot? Puis il faudrait redescendre. Ce serait très dangereux en pleine nuit au milieu des bousculades. » Marie elle-même préférait rester dans les jardins, sous les arbres, où il faisait si doux. Et ils repartirent, débouchèrent sur l'esplanade, en face de la grande Vierge couronnée. Elle était illuminée, à l'aide de verres de couleur, qui la mettaient dans une gloire de fête foraine, avec une auréole de lampions bleus et jaunes. Malgré sa dévotion, Monsieur de Guersin trouva cela d'un goût exécrable. « Tenez, dit Marie, près de ce massif, nous serions très bien. » Elle indiquait une touffe d'arbrisseaux à côté de l'abri des pèlerins. Et la place, en effet, était excellente, car elle permettrait de voir descendre la procession par la rampe de gauche et de la suivre jusqu'au pont neuf le long des pelouses, dans son double mouvement parallèle d'aller et de retour. Puis le voisinage du Gave donnait au feuillage une fraîcheur exquise. Personne n'était là, on y jouissait d'une paix infinie dans l'ombre épaisse des grands platanes qui bordaient l'allée. Monsieur de Guersin se haussait sur la pointe des pieds, impatient de voir reparaître les premiers cierges au tournant de la basilique. « Rien ne se montre encore, » murmurait-il. « Ah, tant pis, je vais m'asseoir un instant sur l'herbe. J'ai les jambes rompues. » Et il s'inquiéta de sa fille. « Veux-tu que je te couvre? Il fait très frais par ici. » « Oh non, père, je n'ai pas froid. Je suis si heureuse. Voici bien longtemps que je n'avais respiré un si bon air. Il doit y avoir des roses. Ne sens-tu pas ce parfum délicieux ?» Puis, se tournant vers Pierre, « Mon ami, où sont-elles donc, ces roses? Est-ce que vous les voyez ?» Lorsque Monsieur de Guersin se fut assis près du chariot, Pierre eut l'idée de chercher si quelque corbeille de rosier ne se trouvait pas par là. Mais vainement, il fouilla les pelouses obscures, il ne distingua que des massifs de plantes vertes. Et comme en revenant, il passait devant l'abri des pèlerins, la curiosité le fit entrer. C'était une grande salle, très haute de plafond, que des deux côtés de larges fenêtres éclairaient. Dallées de pierre, les murs nus, elles n'avaient d'autres meubles que des bancs, poussés au hasard, dans tous les sens. Pas une table, pas une planche. De sorte que les pèlerins sans asile, forcés de se réfugier là, avaient empilé leurs paniers, leurs paquets, leurs valises, dans les embrasures des fenêtres, qui se trouvaient ainsi changées en cases à bagages. D'ailleurs, la salle était vide. Tous les pauvres gens qu'elle abritait devaient être à la procession. Et malgré la porte restée grande ouverte, une odeur insupportable régnait. Les murailles imprégnées de misère, les dalles souillées, humides malgré la belle journée de soleil, trempées de crachats, de graisse, de vin répandu. On y faisait tout, on y mangeait, on y dormait sur les bancs, dans un entassement de chair sale et de loque. Pierre pensa que la bonne odeur de rose ne sortait pas de là. Il achevait pourtant le tour de la salle, que quatre lanternes fumeuses éclairaient et qu'il croyait absolument vide lorsqu'il eut la surprise d'apercevoir, contre le mur de gauche, une forme vague, une femme vêtue de noir qui tenait sur ses genoux un paquet blanc. Elle était toute seule dans cette solitude, elle ne remuait pas, et elle avait les yeux grands ouverts. Il s'approcha, il reconnut Madame Vincent, qui lui dit d'une voix basse, brisée, « Oui, Rose a tant souffert aujourd'hui. Elle n'a fait que jeter une plainte depuis le petit jour. Alors, comme elle s'est endormie, voici bientôt 2 heures. Je n'ose plus bouger, de peur qu'elle ne s'éveille et qu'elle ne souffre encore. » Et elle gardait son immobilité de mère martyre, qui, pendant 2 mois, avait déjà tenu sa fillette ainsi, avec l'espoir entêté de la guérir. Elle l'avait amenée à Lourdes sur ses bras, elle l'y promenait, l'y endormait sur ses bras, n'ayant ni une chambre, ni même un lit d'hôpital. « La pauvre petite ne va donc pas mieux ?» demanda Pierre, dont le cœur saignait. « Non, monsieur l'abbé, non, je ne crois pas. » « Mais, reprit-il, vous êtes très mal sur ce banc. Il fallait faire des démarches, ne pas rester ainsi dans la rue. On aurait pris votre fille quelque part, c'est certain. » « Oh, monsieur l'abbé, à quoi bon? Elle est bien sur mes genoux. Et puis... est-ce qu'on m'aurait permis d'être toujours comme ça avec elle? Non, non, j'aime mieux la voir sur moi. Il me semble que ça finira par la sauver. » Deux grosses larmes coulaient sur sa face immobile. Elle continua de sa voix étouffée. « Je ne suis pas sans argent. J'avais 30 sous en partant de Paris. Et il m'en reste encore 10. Du pain me suffit. Et elle, la pauvre mignonne, ne peut même plus boire du lait. J'ai bien de quoi aller jusqu'au départ. Et si elle est guérie, oh, nous serons riches, riches, riches. » Elle s'était penchée. Elle regardait, à la lumière vacillante de la lanterne voisine, le blanc visage de Rose, dont un petit souffle entr'ouvrait les lèvres. « Voyez donc comme elle dort. N'est-ce pas, monsieur l'abbé, que la Sainte Vierge aura pitié et qu'elle la guérira? Nous n'avons plus qu'un jour, mais je ne veux pas désespérer, et je vais prier encore toute la nuit sans bouger de cette place. C'est pour demain, il faut vivre jusqu'à demain. » Une infinie pitié envahissait Pierre, qui s'en alla, craignant de pleurer, lui aussi. « Oui, oui, ma pauvre femme, espérez. » Et il la laissa au fond de la vaste salle déserte et nauséabonde, parmi la débandade des bancs, immobilisée dans sa passion douloureuse de mère, au point de retenir son souffle, de crainte que le tumulte de sa poitrine ne réveillât la petite malade. Crucifiée, elle priait, la bouche close, ardemment. Lorsque Pierre revint près de Marie, elle lui demanda vivement « Eh bien, c'est Rose, est-ce qu'il y en a par ici ?» Il ne voulut pas l'attrister en racontant ce qu'il venait de voir. « Non, j'ai fouillé les pelouses, il n'y a pas de Rose. » « C'est singulier, » reprit-elle songeuse. « Ce parfum est à la fois si doux et si pénétrant. Vous le sentez, n'est-ce pas? En ce moment, tenez, il est d'une force extraordinaire, comme si toutes les roses du paradis fleurissaient dans la nuit, aux alentours. » Mais une exclamation de son père l'interrompit. Monsieur de Guersin s'était remis debout en voyant des points lumineux paraître en haut des rampes, à gauche de la basilique. « Enfin, les voilà !» En effet, c'était la tête de la procession qui se montrait. Tout de suite, les points lumineux pullulèrent, s'allongèrent en une double ligne oscillante. Les ténèbres noyaient tout. Cela semblait se produire très haut, sortir des profondeurs noires de l'inconnu. Et en même temps, le chant, la complainte obsédante, recommençait. Mais elle restait si lointaine, si légère, qu'elle paraissait n'être encore que le petit bruissement de la rafale prochaine dans les arbres. « Je l'avais bien dit, » murmurait monsieur de Guersin. « Il faudrait être au calvaire pour tout voir. » Il revenait à son idée première, avec son obstination d'enfant, se plaignant qu'on eût choisi la plus mauvaise des places. « Mais papa !» finit par dire Marie. « Pourquoi n'y montes-tu pas au calvaire? Il est encore temps. Pierre restera avec moi. » Et elle ajouta, avec un rire triste, « Va, personne ne m'enlèvera. » Il refusait. Puis il céda tout d'un coup, incapable de résister à l'impulsion d'un désir. Il dut se hâter, traverser vivement les pelouses. « Ne bougez pas, attendez-moi sous ces arbres. Je vous raconterai ce que j'aurai vu de là-haut. » Pierre et Marie restèrent seuls, dans ce coin d'obscure solitude, où s'exhalait le parfum des roses, sans qu'il y eût une seule rose aux alentours. Et ils ne parlèrent pas. Ils regardèrent la procession qui descendait, d'un glissement doux et continu. C'était comme une double haie d'étoiles tremblantes, qui, surgissant du coin gauche de la basilique, suivait maintenant la rampe monumentale dont elle dessinait la rondeur. À cette distance, on continuait à ne pas voir les pèlerins qui portaient les cierges, et il n'y avait là que des feux en voyage, disciplinés, traçant dans l'ombre des lignes correctes. Les monuments eux-mêmes, sous la nuit bleue, restaient vagues, à peine indiqués par un épaississement des ténèbres. Mais peu à peu, à mesure que grandissait le nombre des cierges, des lignes architecturales s'éclairaient, les arêtes élancées de la basilique, les arches cyclopéennes des rampes, la façade lourde et écrasée du rosaire. Avec ce fleuve ininterrompu de vives étincelles qui coulait, coulait sans hâte, de l'air obstiné du flot débordé que rien ne barre, arrivait, comme une aurore, une nuée lumineuse naissante et envahissante, qui allait finir par baigner tout l'horizon de sa gloire. « voyez donc, Pierre !» répétait Marie, prise d'une joie enfantine. « Ça ne cesse pas, il y en a toujours !»